Això és música i aquí arribem amb una nova edició de Hola La Music. El programa que us acompanya amb Rafael Corbí, que es dedica a la música en francès. Benvinguts i benvingudes. Avui anem a escoltar diversos artistes que ens acompanyen amb el programa d'avui i que tindrem el plaer d'escoltar. En les darreres setmanes, uns quants àlbums se'ns han fet a mans, àlbums demanats per als nostres oients, però més també compartits per alguns dels nostres col·laboradors. Per tant, el que anirem a fer és escoltar cançons d'algun d'aquests LPs, d'aquests treballs discogràfics que amb el transcurs d'aquestes darreres setmanes hem obtingut. Jen Jacques Goldman, per exemple, des d'aquest àlbum Non Homme Volgué, del 1985, Comptez pas sur moi. Compte pas sur moi. És la música que ens acompanya de Jean-Jacques Goldman, fill d'una mare alemanya, de pare polac, molt entorn al seu lligat a l'esquerra, i a més germà del compositor Robert Goldman, que ha compost per a diversos artistes com Celine Dion, entre d'altres. En Jean-Jacques va néixer l'11 d'octubre de 1951 a París, va formar part de la formació anomenada Chai Funk l'any 1975, amb el qual van començar a tenir una mica de notorietat artística. Inicialment només havia de substituir el cantant, que s'havia posat malalt, però l'èxit de la cançó Sister Jane el va portar al capdavant del grup i continuar, però aquest no arribà a fer-se un lloc a l'escena musical francesa i més tard es va desfer l'any 1979. El 1981 en Jean-Jacques va decidir iniciar la seva carrera en solitari i va aconseguir l'èxit important. Aquest és el seu quart àlbum, aquest no aprovat, non homologué, que va sortir el 13 de desembre del 1985. Un àlbum ple, segons ens diuen, de maduresa, amb textos força commovedors, parlant de la família, per exemple, però cal esmentar entre les cançons que en formaven part una peça que va cantar a duo amb Michael Jones i que es deia Je te donne. I can give you a voice spread with rhythm and soul, the heart of a Welsh boy who's lost his home. Put it in harmony, let the words ring, carry your thoughts in the songs we sing. Je te donne mes notes, je te donne mes mots, quand ta voix les emporte à ton propre tempo. Une épaule fragile et solide à la fois, ce que j'imagine et ce que je crois. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chances. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. I can give you the force of my ancestral pride, the will to go on when I'm hurt deep inside. Whatever the feeling, whatever the way, it helps me go on from day to day. Je te donne nos doutes et notre indicible espoir, les questions que les routes ont laissées dans l'histoire. Nos filles sont brûlées, l'on parle un peu fort, et l'humour et l'amour sont nos trésors. Ce que je vaux. Un àlbum magnífic dels més venuts en el seu moment a les llistes nacionals francesos, amb molta presència a les emissores de ràdio, perquè va triomfar de valent des del moment de la seva sortida i aproximadament durant els 2 anys següents. Aquest disc, que després també va aparèixer en versió compact disc, una mica diferent dels 10 temes originals de l'àlbum. Totes les cançons, exactament totes, compostes per el mateix Jean-Jacques Goldman, excepte aquesta que acabem d'escoltar, que ho va fer en col·laboració amb l'altre intèrpret, amb Michael Jones. Un dels temes que més va destacar de l'àlbum i que va sortir com a senzill a França el mes de març de 1986 va ser aquesta cançó, Pastor. Graver l'écorce jusqu'à saigner, clouer les portes, s'emprisonner, vivre des songes à trop veiller, prier des ombres et t'en marcher. J'ai beau me dire qu'il faut du temps, j'ai beau l'écrire si noir sur blanc, quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi. Passe les jours, vie de sillon, dans la raison, mais sans amour. Passe ma chance, tourne les vents, reste l'absence, obstinément. J'ai beau me dire que c'est comme ça, que sans vieillir, on n'oublie pas, quoi que je fasse. Je sois, rien ne t'efface, je pense à toi, et quoi que j'apprenne, je ne sais pas pourquoi je saigne. Thank you. Així, per iniciar aquest programa especial de l'Allow Music, ens hem endinsat amb un disc del 1985, aquest Non Homologue, aquest disc, o aquesta vida, o aquesta selecció musical no aprovada, no homologada, de Jean-Jacques Goldman, i els seus tres temes, aquests tres èxits d'aquest àlbum. Serà el moment, una vegada finalitzi aquesta cançó, de que donem pas al nostre amic Àngel Rodríguez, amb la col·laboració d'aquesta setmana. A veure qui ens porta el nostre bon amic. Benvingut, Àngel Rodríguez. Hola, amics. Avui us proposo escoltar Lenny Escudero, nascut al poble d'Espinal, a Navarra, l'any 1932. El nom real de Lenny Escudero és el de Joaquim Lenny Escudero. L'any 1939, arran de la Guerra Civil, va exiliar-se a París. Una curiositat, durant la dècada de 1960 va viure durant uns anys a Perpinyà. L'any 1962 triomfaria amb aquesta peça, Balada a Sylvie. J'ai perdu mon âme en perdant Sylvie. J'ai perdu mon âme en perdant mamie. À quelle me revienne, j'oublierai le temps. Le temps de mes peines et tous mes tourments, moi je te pardonne. Et si tu voulais, un jour de l'automne, tu me reviendrais. J'ai perdu mon âme quand j'ai perdu son amour, et moi, pauvre diable, je l'aime toujours. J'ai perdu mon âme en perdant Sylvie. J'ai perdu mon âme en perdant mamie. Par un soir d'automne, elle est arrivée. Elle m'a dit pardonne et j'ai pardonné. Mais malgré moi-même, tout au fond de moi était née la haine qui dictait sa loi. Et devant ma porte, son regard caressant le mien, là mon âme est morte dans le creux de ma La col·laboració de l'Àngel Rodríguez ens ha acompanyat a Olala Music. Ja! Il faut que je sépare. Ta mère et moi, nous t'avons élevé jusqu'à présent. Surtout ta mère. Évidemment, imbécile, je travaille toute la journée. Je dis pas que le bébé que c'est pas du boulot. Je dis que ta mère, en dehors de chez lui, tes frères et sœurs, elle n'a rien à foutre. D'ailleurs, tu pourrais l'aider et ainsi donner les exemples. Au lieu de ça, monsieur donne un autre exemple. Gérard, tant que tu écoutais Mi-Gégère et les Beatles, je dis rien, je dis rien. Mais quand tu fumes du hakik, non! Ta mère en a trouvé dans tes poches et tu nous empêches les cabinets. Gérard, j'ai été trop bon avec toi lorsque tu as abandonné lâchement tes études. Tu aurais pu aller jusqu'au bac pour faire plaisir à ta pauvre mère. Et puis, si tu avais eu ton bac, tu aurais pu rentrer. Tu aurais pu être... Hein? Chômeur, oui. Mais au moins, tu aurais été un chômeur honnête. Oh là là, ça! Monsieur fume du high kick avec les biclites. Fais attention, Gérard. Fais attention. Tu es sur une pente salonneuse. Salonneuse. 3 ans, l'expérience d'un vieux routier. Sympa. Aujourd'hui, c'est un petit verre qu'il te faut, mais demain, tu en feras tout un paquet. Sans parler que de compter de la honte qui retombera sur ta pauvre mère. Oui, ben moi, je m'arrange. Je te demande pas ton avis. Je m'arrange avec la honte. S'il te plaît, je traite directement. Je te demande... C'est pas moi qui suis en cause. Bon, s'il te plaît, Gérard! Oui, ben le pinard, c'est pas interdit que je sache. Alors, il doit quand même y avoir une raison. Hein? Ah, elle est jaunie, la jeunesse. Hein? Le contraire, si tu veux. Nous, comme jeunesse, on avait la guerre mondiale. Mondiale, on l'avait la guerre. Les restrictions, pas de pinard, rien. On a souffert. Hein. Alors après, quand ça a été fini, tout le monde s'est mis à la fêter l'armistice d'un seul coup. Alors on a bu pour fêter la victoire. Alors les vignerons se sont dit, tiens, ça marche, ça a fait de l'excédent. Et depuis, nous on picole pour éponger l'excédent, mon petit vol. On rend service à la France, on est en service. On est patriotes, tu peux pas comprendre, t'es pas patriote avec ton éthique. C'est quand même pas mon fils drogué qui va me rapprocher à moi d'être patriote. Enfin, blague. Quand on a vu qu'on avait perdu la guerre, on s'est dit, on va faire des gosses, on aura fait un arcon la prochaine fois. Regarde ce qu'on a, des biknites. Ils veulent pas la faire, hier. Même les jeunes Allemands, ils veulent pas la faire, il paraît. Mais tu vas voir dans quelle merde on est. Les jeunes, je vous comprends pas. Voilà. Quand on n'est pas cool, on est speed. Et quand on n'est pas frix, vous flippez. Ah oui. Vous intéressez pas aux journaux. Vous regardez pas la télévision. Vous suivez même pas le football. Tu sais qui c'est, toi? UG6, Fabinski, Copa, Businessy. Je sais pas. Voilà. C'est les plus grands Français qu'on a eu du monde. Ignore. Mais vous, les biknites, vous enfermez dans les pioles avec du hakik et vous chantez des chansons tristes. Voilà, triste, vous êtes triste, voilà, triste. À 40 ans, vous serrez les loges humaines. Quand on voit la tristesse des biknites, on comprend pourquoi c'est interdit le high kick. Et on se dit que le pinard, ça devrait être obligatoire. Enfin, heureusement qu'on vous a pas attendu en 40. Elle a été jolie, la France aujourd'hui, tiens. Per un moment hem abandonat la música i hem passat a la comèdia. Els protagonistes que ens acompanyaven, en aquest cas, amb un dels grans de la comèdia, de l'humor francès, d'origen italià, ja que era fill d'un immigrant italià, Michel Colucci, anomenat Coluche, va néixer el 28 d'octubre del 1944, ho va fer a París i va morir només amb 41 anys, amb un accident de moto poc després d'haver-se presentat a les eleccions presidencials franceses de 1988. Va tenir temps d'obtenir un César com a millor actor per la pel·lícula Chau Mantén de Claude Berry. Això va passar el 1984. Un personatge carismàtic i provocador dintre, o agitador fins i tot en deien alguns, dins el món social francès. Coluche ens ha acompanyat amb una de les seves interpretacions. 2016, anem a la música amb Renaud i amb Renaud Sechang. L'escoltem amb un àlbum que va publicar el 2016, el més nou d'aquest personatge, el 16è àlbum d'estudi, que va sortir el 8 d'abril de 2016, amb cançons com, per exemple, aquest senzill que n'escoltarem. Música.

Alors gloire à ces héros qui par la magie d'un stylo et parce qu'ils font vivre les mots, emmène mon esprit vers le haut, emmène mon esprit vers le haut. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. Van passant els minuts i l'Ala Music continua el seu camí. De fet, aquest programa no seria res sense la gent que l'escolta, òbviament, però també sense els nostres col·laboradors que donen aquell toc diferent. Ho fa l'Àngel portant-nos les seves cançons tan clàssiques del món francès, ho fa en Hamid amb el seu toc especial i ho fa en Cyril. Jo no puc deixar de sorprendre'm davant de la capacitat musical, intel·lectual d'aquest bon amic meu, a qui algun dia li hauré de tallar la barba perquè sigui una mica més feliç al meu costat i la tingui com jo, així petitona. Cyril, què tal? Com es diu barba en francès? Gràcies, doncs barba és molt senzill en francès, és senzillament barba. S'assembla, s'assembla. I per ara doncs no tinc pretensió de tallar-la. De totes maneres, un plaer estar aquí, evidentment, i com deies, aquest programa existeix per la gent que l'escolta, però sobretot existeix per en Rafael, que és qui conjuga totes aquestes propostes diverses de tots els qui estan encantats de col·laborar. Jo us porto coses, evidentment, i en tinc moltes per compartir, i mentre en Rafael em deixi, doncs no hi haurà problema, perquè anem establint aquests ponts musicals. Ens anem a l'Àfrica, que és, els que em coneixeu sabeu que tinc una debilitat especial i que entenc la música a partir del ritme que neixen allà i que va derivant. Àfrica com a continent, jo diria que és un arbre en si mateix, perquè són les arrels, són els troncs i són les branques. En aquest cas ens anem a Costa de Marfil per un dels grans del que es coneix com el Coupé de Calais, que és aquest estil musical molt actual i que relliga també tant amb el Carib com amb la comunitat afroamericana. I en aquest cas neix segurament de la rumba congolenya, del sucús i de tota d'aquesta trajectòria musical africana que va adaptant-se als temps i a totes el que són les noves tecnologies. Es renova permanentment i això és el que segurament fa la seva riquesa incomparable. Coupé de Calais, en Costa de Marfil, amb un gran, un dels jefes realment, un dels patrons i un dels... realment que influeixen en el que és aquest estil musical des de Costa de Marfil, un tema de principis de segle que es diu Homage, o sigui, homenatge. Oui, le président Stéphane Doukou, les doux sagas de la sincacité, les grandes couleurs sont mieux. Je me rappelle comme c'était hier. Ouais, 7 décembre 93, la mort du président faut lui s'éloigner. Je me rappelle encore de la mesure, la mort d'un ami, d'un frère. Un homme on a tout connu ensemble, Dico d'un ami d'eau. Voyez, que Allah, le grand Dieu, les suites à des coups mortels. Que Dieu soit avec toi et que nous sommes là. Le temps passe si vite, vivant intensément chaque minute qui nous reste à vivre. La vie est belle, le temps est si beau. Un jour viendra, ce temps-là va passer. Le monde est si triste, l'existence pénible. Un temps viendra, ça sera le bonheur. Ça y est, ma idée. c'est moi spécial à la famille du ministre Bogadoudou, à la belle famille du président Kéhi, oui à Massine Yassé, et sans oublier tous les autres artistes en domaine de Bozen, oui à Kézo, oui, la mine d'Abrasso, mon ami depuis Paris. Ah, sentez que c'est difficile, mais on est là pour l'accepter. Pourquoi on va créer un système comme ça sur la terre, qui est l'amour, qui est. Ah là là. Je n'arrive pas à comprendre, je n'ai jamais compris. Je me demande parfois si je pourrais comprendre. Ah, l'amour est toujours sans pitié, elle ne veut que nous frapper. Adieu, Roger Fijas Cassio, ami Dodico, Olivier Bobby, adieu, famille implorée, c'est chez Fola. Veille, veille, si y'a aimé, si qu'on a essayé, si y'a aimé. Moi, si y'a s'en est allé, cela aussi nous a fait ce coup-là. La tête s'est à pleurer, le Raoul a pleuré. Coucou, restez pas nous. Adieu, l'ami d'Abrasso. Que la tête soit légère, repose en paix, frère. On ne t'oubliera jamais. Le jour du dernier jugement, oui, la dernière séparation au cimetière. Ce sont des pélodes, très très pénibles à digérer. Oui, Antonio Faragué, c'est l'âme. La grande famille Boigny, c'est chez vos lames. Oui, la vie est comme une pièce de théâtre, chacun défait sa partition et il s'en va. Vivons intensément, prenons le plaisir de vivre. Car le jour du dernier jugement, oui, ce sera plus tard. Je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, mes amis tous morts. Dis-moi, amis doux, amis de Marceau. Oui, sans oublier, oui, veillement de courir. La música d'un personatge diferent ens acompanyava en Duc Saga, recordem doncs la col·laboració d'en Ciril Torres amb aquest personatge que va originar des de la costa d'Ivori, aquest West African Coupé de Galé, aquest Cotton Shift en anglès, aquest tallar i canviar un estil de música i de ball. Gràcies per la col·laboració, Ciril. Anem cap al que és la música contemporània i amb això hem de parlar, sens dubte, de rap a l'estat francès. El disc més important d'agost-setembre de 2017 amb Jules, el pseudònim de Dugier Magui, el rapper i cantant francès nascut el 14 de gener de 1990 a Marseille. Je suis canard, je profite parce que je suis pas non. Je vais pas courir derrière parce que c'est canon. Cette année je vais tout péter, j'annonce. Garde le moral comme boy à salon. Quand je sais rien si tu m'as sali. Qu'est-ce qu'elle a, elle, elle est plus câline. Qu'est-ce qu'il a, l'ennemi veut qu'on s'allie. Équipé comme le cartel de Cali. On me dit que je brille, pourtant je suis dans l'ombre. Il faut encore que je trie, que je garde dans l'ombre. Je me vois pas briller, j'suis encore au quartier la night. J'suis tout le temps guillé, et ils se préoccupent de ma life. Mes potes sont billets, ils ont fait courir la patte dans mes patines. Maintenant tu connais ma marque. J'me vois pas briller, j'me vois pas briller. Cracher la guitare, tu vois tout de là-haut. Merci, pas besoin de blinder la bite. Quand tu m'embêtes, si tu veux faire un tête, viens on fait un tête. Moi j'ai pas besoin d'aide. Viens voir où je peine, y'a des mecs à gouler sur des pots de compète. Et j'suis mon pète avec Vertigo, mais tu dis grec. Ils aimeraient voir comment je travaille, ils veulent ma recette. J'fais la fête en survêt, tu m'en bats les steaks. Dans la team duel, y'a pas de racisme, pas politique, ce n'est pas une secte. J'me vois pas prier. J'suis encore au quartier la night. J'suis tout le temps guillé, et j'me occupe de ma life. Mes potes sont guillés, ils ont fait courir la patte dans mes patines. Maintenant tu connais ma part. J'me vois pas prier, j'me vois pas prier, prier. J'me vois pas prier, j'me vois pas prier, j'me vois pas prier, j'me vois pas prier, j'me vois pas prier.

tu dois connaître ce chanteur-là, enfin, les chanteuses. D.L. Malakh, un des grands proponents de la musique cajun. Et il a composé plusieurs chansons. Et les sœurs McGarrigle, Kate et Anna du Canada, ils chantent Porte en arrière. Música que, si no he entès malament, ens arribava des d'algun lloc del Canadà. Les sœurs McGarrigle, avec la participation, bien entendu, de Emmylou Harris i Linda Ronstadt. El millor del millor de la música internacional, Emmylou Harris i Linda Ronstadt. Merci, Hamid. Això és Hola La Music, amb Rafael Corbí i tot l'elenc de col·laboradors com en Hamid, que ens han acompanyat. Doncs efectivament, fins aquí ha arribat el nostre programa per aquesta setmana. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ha estat tot a Hola La Music, amb la col·laboració de l'Àngel Rodríguez, d'en Ciril Torres i d'en Hamid. Us hem portat avui aquesta música. Serà fins la propera ocasió. Una abraçada ben cordial i a reveure. A bo! Pas-a-li, pas-a-li.